Jusqu'au 19 octobre, c'est la rentrée de la réno chez votre expert fenêtre. Profitez de nos offres exceptionnelles pour embellir votre maison et optimiser votre confort. Portes, fenêtres, stores, placards, dressing, véranda. N'attendez plus et foncez sur l'expertfenêtre.fr pour connaître votre expert fenêtre le plus proche. L'expert fenêtre est tellement plus encore. Offre valable dans le réseau participant et réservée aux particuliers. Voir conditions en magasin. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, mai 68, le général de Gaulle disparaît. Ce fameux mois de mai ne fut pas qu'une révolte étudiante et un mouvement de grève gigantesque. Séisme social, il fut également et immanquablement le théâtre d'affrontements politiques dans une période où le pouvoir semblait perdre pied un peu plus chaque jour. À la tête de la France, deux hommes, deux styles et deux visions différentes pour gérer la crise. D'un côté, le général de Gaulle, au pouvoir depuis 10 ans, qui semble désemparé face à la situation et qui envisage d'utiliser la force. De l'autre, Georges Pompidou, Premier ministre, qui lui joue la montre et le compromis, ménageant syndicats et étudiants. Le 24 mai, le général s'exprime à la télévision devant des millions de Français. Il leur propose un référendum et met sa démission dans la balance. Or, cela ne calme ni les étudiants, ni les ouvriers, et la nuit qui suit est la plus violente de mai 68. Le lendemain, Georges Pompidou ouvre les négociations de Grenelle qui débouchent sur une augmentation conséquente des salaires, mais la base ouvrière refuse les accords. Le surlendemain, le général de Gaulle quitte Paris pour une destination inconnue de tous et même du Premier ministre. Le président de la République est introuvable, citation surréaliste. Alors une question brûle les lèvres. Le général s'apprête-t-il à abandonner le pouvoir? Envisage-t-il un recours à l'armée ou prépare-t-il un coup? Notre invité aujourd'hui, Frédéric Naudufour, docteur et agrégé d'histoire. Son dernier livre, intitulé « De Gaulle, l'homme de l'Est », La Nuée Bleue, édité par La Nuée Bleue le 5 juin 2020. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La réforme, oui, la chienlit, non. Le 19 mai 1968, tout juste rentré d'un voyage officiel en Roumanie, le général de Gaulle prononce cette formule passée à la postérité. Il s'adresse en privé à son premier ministre, Georges Pompidou, accompagné d'autres ministres. Il les a rassemblés à l'Élysée pour faire le point sur la situation du pays. Car la France est à l'arrêt. Des millions de travailleurs sont en grève, jusqu'à 8 millions au plus fort du mouvement. Les trains restent à quai, les avions au sol et les bus au dépôt. Plus de courrier, presque pas de téléphone. Seule satisfaction pour le gouvernement, il y a encore de l'électricité. Mais la pénurie guette et les prix au marché noir explosent. Le litre d'essence est passé de 1 à 3 francs. Idem pour le kilo de pommes de terre. Une famille du 16e arrondissement de Paris s'est même fait livrer une tonne de cette denrée. Précaution, spéculation, l'histoire ne le dit pas. Le général semble enfin réaliser la gravité de la situation. Lui qui avait laissé gérer la crise étudiante par son premier ministre, il entend maintenant reprendre les choses en main. Le 24 mai donc, à 20h, costume noir, chemise blanche, cravate grise, il apparaît sur le petit écran et s'adresse aux Français. Françaises, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote au cas où votre réponse serait non. Il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Si par un oui massif vous m'exprimez votre confiance, j'entreprendrai avec les pouvoirs publics et je l'espère le concours de tous ceux qui veulent servir l'intérêt commun, de faire changer partout où il le faut des structures étroites et périmées et ouvrir plus largement la route au sang nouveau de la France. Vive la République, vive la France. Rassemblés devant leur télé, des millions de Français sont perplexes. Ce projet de référendum ne les convainc pas. Et puis, du haut de ses 78 ans, le général apparaît fatigué. Certes, il met sa tête dans la balance. Si les Français en ont assez de lui, ils n'ont qu'à voter non et il partira. Ce qu'il fera d'ailleurs. Et très honnêtement, lors du référendum qui aura lieu en 69 au bout du compte et qui se soldera par la victoire du non. Mais pour l'instant, en mai 68, la consultation prévue en juin ne mobilise personne. Ça semble à la fois loin dans le temps et tellement loin de la préoccupation des Français. Collés à leur transistor, des milliers d'étudiants et de jeunes travailleurs parisiens écoutent le discours. Et très vite, ils manifestent leur hostilité dans la rue et scandent des slogans comme « Dessous, Charlot, adieu, De Gaulle » ou encore « Ton discours, on s'en fout ». À 22h, la situation dégénère, place à l'émeute et aux barricades. Et cette fois, contrairement à la nuit du 10 mai, l'insurrection se produit aussi hors du quartier latin. Georges Pompidou choisit délibérément de laisser avancer les manifestants vers l'ouest de la ville pour faire peur à la population et retourner l'opinion publique. Une demi-heure plus tard, une rumeur enfle. Le palais de la Bourse a été incendié. En réalité, il s'agit de poubelles qu'on a enflammées devant le bâtiment. Minuit, le commissariat du 5e arrondissement est attaqué par une foule déchaînée. La police riposte par un tir nourri de grenades lacrymogènes. La radio relate les événements de cette nuit, la plus violente de mai 68. À Paris, ce fut une nuit de fureur. Des éléments incontrôlés se mêlaient aux étudiants en colère. Et le quartier latin, jusqu'à l'aube, allait être secoué de violence telle qu'on n'en avait jamais vu. À Lyon, les violences causent la mort d'un commissaire de police. Selon la version officielle, il a été percuté par un camion lancé par les manifestants sur les forces de l'ordre. À Paris, un jeune homme est mortellement blessé par un éclat de grenade. Ce sont les deux premiers morts de mai 68. Il y en aura officiellement sept. Mai 68 n'a pas été un carnaval. Mais l'opinion publique est surtout marquée par le décès du commissaire et les dégâts provoqués dans les rues de Paris. Le lendemain, le général de Gaulle en convient avec son discours. Il a misé à côté de la plaque. Je reprends ses mots. Quant au Premier ministre, Georges Pompidou, il sait bien que plus le temps avance, plus l'opinion a des chances de se retourner contre les étudiants et les grévistes. Il suffit pour le gouvernement de faire le dos rond. Les pénuries et les scènes de violence joueront, il en est persuadé, contre le mouvement social. Toujours est-il que ce 25 mai, Georges Pompidou entame des négociations sociales avec les syndicats de salariés et les organisations patronales, les célèbres négociations Grenelle. Côté gouvernement, on retrouve notamment Édouard Balladur, conseiller du Premier ministre aux Affaires sociales, et Jacques Chirac, jeune secrétaire d'État à l'Emploi. Après plus de 29 heures de discussion au ministère du Travail, des concessions sont faites pour les salariés. L'une des mesures principales étant l'augmentation de 35% du SMIG, on disait SMIG à l'époque, et de 10% pour tous les autres salaires. Le lundi 27 mai, gouvernement et syndicats se quittent sur les fameux accords de Grenelle, même si ce ne sont pas vraiment des accords, puisqu'ils n'ont été signés ni par aucun des partenaires sociaux, ni par le gouvernement. Le même jour, Georges Segui, secrétaire général de la CGT, se rend aux usines Renault-Billancourt, sur l'île Séguin. Quand il arrive, un meeting a déjà commencé, et le mot d'ordre est « poursuivons la grève jusqu'à la victoire totale ». Arrivé à la tribune, Georges Segui présente les conquêtes sociales arrachées au gouvernement. 29 heures durant, nous avons livré bataille dans des conditions difficiles face à un adversaire tenace, mais tout de même suffisamment ébranlé par la grève générale pour que nous ayons pu lui imposer des concessions. Le Conseil national du patronat français a accepté de payer 50% des salaires pendant la durée de la grève avec une modalité de récupération selon les cas. Et d'après ce qui vient de se passer, ça ne sera pas le cas de chez Renault. Ces huées, qui concernent seulement l'une des mesures, vont être interprétées par tout le monde comme un refus des accords de Grenelle par la base ouvrière. Avec ses 30 000 salariés, Renault constitue le plus grand bastion ouvrier du pays. C'est lui qui donne la température. Un adage dit d'ailleurs, quand Billancourt éternue, la France s'enrhume. Alors presque partout dans le pays, on vote la poursuite de la grève. Le jour même, un grand meeting est organisé à l'appel de l'UNEF, le syndicat étudiant, suivi par le PSU, la CFDT et Force ouvrière. Le cortège se met en route place des Gobelins, direction le Stade Charletti, dans le sud de Paris. C'est le grand rassemblement de la gauche non communiste. Dans le stade, ils sont plus de 50 000 militants. La foule scande, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Anna Gismar, l'une des figures de mai 68, cite Che Guevara, le premier devoir d'un révolutionnaire est de faire la révolution. La CGT et les communistes, eux, boudent le rendez-vous et organisent des rassemblements parallèles dans Paris. Un journaliste de France Inter raconte l'ambiance du meeting. C'est un extraordinaire rassemblement. Je ne sais pas, voyez-vous, quelle est la superficie de ce stade, du stade Charletti, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne trouve plus de place pratiquement au centimètre carré. Il n'y a pas que des étudiants à ce meeting, il y a des employés, des ouvriers, beaucoup d'intellectuels, des lycéens, des militants aussi, des faux, de la CFDT, et j'en ai vu aussi, il faut le dire, de la CGT. Parmi la foule, on retrouve une grande figure de la gauche, Pierre Mendès France, député, ancien président du Conseil sous la 4e République, une figure de la probité en politique. Certains parlent d'une opération Mendès France. Les militants scandent son nom, qui fait consensus. On lui propose le micro, mais il ne le prend pas. Non, il estime que c'est un meeting syndical, pas politique. Et puis, selon lui, les divisions sont encore trop marquées pour rassembler la gauche. Il s'en explique dans l'émission Apostrophe, 8 ans plus tard. À ce moment-là, il était clair pour moi que les hommes qui s'opposaient au régime étaient divisés et ne voulaient pas mettre un terme à leur division. Que, par exemple, d'une part, les socialistes, au fond, n'y croyaient pas beaucoup, ils ne voulaient pas pousser. Les communistes étaient parfaitement décidés à faire survivre le système. Les gauchistes ne voyaient que la guérilla contre les communistes. Enfin, le débat entre eux était tel qu'il n'était pas possible entre eux de faire véritablement régner l'esprit d'une coalition. Oui. Du côté du couple exécutif de Gaulle-Pompidou, la tension est palpable. Le premier reproche au second le demi-échec de Grenelle, mais aussi sa gestion générale de la crise. Il le trouve trop souple avec les manifestants et les syndicats. Mais avec l'annonce de son référendum, le général a ouvert la porte aux ambitions des uns et des autres pour sa succession et, notamment, un homme qu'il connaît bien car il l'a affronté au second tour de la présidentielle de 1965. Cet homme, c'est François Mitterrand. Le 28 mai, en fin de matinée, il tient une conférence de presse à l'Hôtel Continental. Et qui sera président de la République ? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais, d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, parce que le terme éventuel est à 18 jours, et parce que c'est le même combat, je suis candidat. François Mitterrand prend tout le monde de court. Après sa déclaration, il rencontre des responsables du Parti communiste, pas vraiment emballés par sa candidature et furax d'être bidot au mur. La CGT prévoit donc une grande manifestation pour le lendemain. Après le meeting de Charletti et la déclaration de François Mitterrand, les communistes comptent bien montrer leurs muscles. À l'Élysée, le général se confie à de proches conseillers. Il ne sait plus vraiment comment reprendre la situation en main. Et pour la première fois, peut-être en 10 ans de pouvoir, il doute. Cette nuit-là, encore une fois, il dort peu et mal. Le lendemain, il va prendre une décision qui va faire basculer le mois de mai 68 dans une autre dimension. Mercredi 29 mai, le président de la République arrive plus tôt que d'habitude à son bureau. Il a écourté son rituel matinal où il passe du temps dans ses appartements pour lire les journaux et s'occuper de sa correspondance personnelle. Il est 9h. Il demande à Bernard Tricot, secrétaire général de l'Élysée, de contacter rapidement le Premier ministre Georges Pompidou, car il se sent trop fatigué pour tenir le Conseil des ministres prévu le jour même. Il souhaite le reporter au lendemain. Quelques minutes plus tard, il s'entretient avec son gendre, le général Alain de Boissieux, et il lui confie son sentiment. En fait, vous savez, les Français sont des veaux. Et les veaux, c'est fait pour être bouffés. Alors qu'est-ce que je fais à la tête des veaux ? Je ferais mieux de rentrer chez moi et d'écrire mes mémoires. Anan Boissieu, parle en tant que militaire à son beau-père. Il raconte cet entretien 20 ans plus tard au micro de France Culture. Moi, j'ai vu le matin à l'Élysée un homme qui m'a fait la comédie de l'Apocalypse. Et même comme je savais que ça lui faisait mal de débiter cette litanie, je lui ai dit, ce n'est pas le gendre qui est devant vous, c'est le général commandant de la 7e division, il a un message à vous transmettre. À partir de ce moment-là, le général s'est mis debout lui aussi, et l'entretien a eu lieu debout, moi presque au garde-à-vous, oui. En disant, bon ben fini, les moulinets, maintenant croisons le fer. L'armée est là, vous lui avez rien demandé, elle est alertée, mais... si vous avez besoin de l'armée pour rétablir les grands services publics, non pas pour aller dans la rue, comme certains journalistes ont voulu le faire croire en déformant ce que j'ai dit. Non, mais les grands services publics, c'était important, parce qu'ils marchaient plus. Et l'armée pouvait les prendre. Cet entretien aurait-il donné des idées au général ? Après tout... c'est un militaire, alors pourquoi ne pas demander le soutien de l'armée, effectivement. Les deux généraux envisagent alors une rencontre avec un troisième galonnais, Jacques Massu. La rencontre pourrait s'organiser à Strasbourg. Lorsqu'il sort du bureau, Alain de Boissieu croise Jacques Focard, secrétaire général de l'Élysée pour les affaires africaines, monsieur Centrafrique. C'est l'un des plus proches conseillers du président. Il s'inquiète de l'annulation du Conseil des ministres. Alors, Alain Boissieu passe le mot. Le général part se reposer à Colombey. Pas question de dévoiler le plan avec les militaires. Évidemment, tout doit rester secret. À 11h, le général accepte de parler au téléphone au Premier ministre. Pourtant, il n'utilise que très rarement le combiné. Pour donner une idée, il ne passe jamais plus d'un coup de fil par an, oui, par an, à son Premier ministre. Alors cet appel va profondément marquer Georges Pompidou pour cette raison-là, mais aussi à cause des derniers mots du général. « Je suis vieux, vous êtes jeune, c'est vous qui êtes l'avenir. Au revoir, je vous embrasse. » À la fin du coup de fil, Georges Pompidou se retourne vers Michel Jobert, son directeur de cabinet, et lui dit « Vous rendez compte, il m'embrasse. » Il est perplexe, le général ne lui a jamais dit « Je vous embrasse. » Alors qu'il s'apprête à quitter l'Élysée, de Gaulle croise une dernière fois son secrétaire général, Bernard Tricot. Ce dernier raconte comment le comportement et la mine de son patron ont changé en l'espace de 2 heures. J'ai revu le général en fin de matinée, quand il a quitté l'Élysée. Et je me souviens très bien que, alors qu'à 9h ou 9h30 du matin, j'avais vu en face de moi un homme très lent. Quand il est parti, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui, tout en étant encore un homme lent et triste, paraissait avoir pris une certaine résolution. Et était en bien meilleur état qu'il ne l'était le matin. Ce qui me confirme dans l'idée qu'il y avait dans son comportement à la fois un plan et une profonde lassitude dans laquelle il baignait. C'est cela, lassitude, certes, mais également impatience. Oui, le général est pressé de quitter l'Élysée en compagnie de son épouse Yvonne, elle aussi souhaite quitter Paris. Quelques jours auparavant, elle s'est fait insulter dans les rues de la capitale, ce qui ne lui était quasiment jamais arrivé. Elle est encore sous le choc. Et puis, cet après-midi, il y a la grande manifestation organisée par la CGT. Vont-ils s'attaquer au palais présidentiel ? À 11h30, le général de Gaulle, son épouse et l'aide de camp François Floy quittent discrètement l'Élysée pour se rendre à l'île-port d'ici les Moulineaux. Grâce à la pénurie d'essence, ça roule très bien dans Paris. 15 minutes, pas plus, pour se rendre à l'aéroport. Le chargement des bagages prend un peu plus de temps. Alors, le général, impatient, lance au pilote « Pressons-nous, on nous observe ». Les deux hélicoptères Alouette décollent un peu avant midi. De Gaulle, qui apprécie les vols en hélicoptère, est requinqué à la vue des paysages. D'autant que le temps est magnifique ce jour-là. Quant à son épouse, elle s'inquiète en montrant au général un drapeau rouge flottant sur le toit d'une usine. Vers midi et demi, les deux hélicos se posent sur la base militaire de Saint-Dizier, dans l'est de la France, et à 60 km de Colombey, les deux églises, où se trouve le domaine de la Boisserie, la demeure personnelle du général. Après avoir fait le plein, les deux alouettes repartent et échappent au radar. Charles de Gaulle, qui ne peut communiquer par la parole à cause du bruit au sein de l'appareil, transmet une enveloppe à son aide de camp, François Fouic. Lorsqu'il l'ouvre, il peut y lire « Direction la résidence du commandant des forces françaises d'Allemagne, Baden-Baden ». Le général s'apprête à quitter la France sans avoir prévenu ses proches conseillers, ni son premier ministre. En 1934, il écrivait dans son ouvrage intitulé « Vers l'armée de métier », la ruse doit être employée pour faire croire que l'on est là où on n'est pas et que l'on veut ce que l'on ne veut pas. Et son plan fonctionne, on le croit à Colombet. Bien. Mais que veut-il exactement? Mystère. Venu de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, je pense à la cavalerie. Moi, s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante, et que sombre le pays, dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Je prendrai la route, vers ailleurs coûte que coûte. Je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage. Et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Mai 68, 13h, Georges Pompidou est excédé. Il vient d'apprendre que le général n'est pas à Colombey. Il pense que Bernard Tricot, secrétaire général de l'Élysée, lui cache la véritable destination. Alors il le presse de lui transmettre immédiatement l'information. Mais Bernard Tricot en est bien incapable. Le très fringant Jacques Chaban-Delmas, alors président de l'Assemblée nationale, se rend lui dans les bureaux du Premier ministre. Il apprend la disparition du général. Il raconte cet épisode dans l'émission La Rage de Lire. J'ai trouvé que personne n'avait l'air gai. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a été répondu, on a perdu le général de Gaulle. Alors je me suis fait raconter par le Premier ministre, M. Pompidou. Je lui ai fait raconter comment ça s'était passé. Et il m'a raconté les choses. Et en terminant, le général de Gaulle m'a dit « Je vous embrasse », il a raccroché. Ah, alors je lui ai dit, il vous a embrassé, vous êtes baisé. C'est évidemment un peu familier. Mais je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Il va faire un coup. Le général est en train de faire un coup, et probablement un coup de théâtre. Que mijote en effet le général? La nouvelle se répand chez les journalistes et les responsables politiques. Et une idée traverse l'esprit de nombreux conseillers de Georges Pompidou. Et si c'était le moment pour prendre la place du général? 15h, Baden-Baden. L'hélico du général de Gaulle se pose sur la base militaire. François Floic téléphone au général Massu pour le prévenir de l'arrivée du président de la République. Lorsqu'il s'empare du téléphone, Jacques Massu dit à Floic « Mon petit vieux, je suis à poil sur mon lit où je fais l'assiette, alors laissez-moi 5 minutes pour me préparer, d'accord ?» Massu se remet d'une nuit passée à boire en compagnie d'un maréchal soviétique en visite à Baden-Baden. Quelques minutes plus tard, au garde-à-vous, bien sûr, le militaire français accueille le général de Gaulle à la sortie de l'Alouette. Celui-ci lui lance « Massu, tout est foutu. Les communistes ont provoqué une paralysie totale du pays. Je ne commande plus rien. » À Paris, au même moment, la manifestation organisée par la CGT débute. Place de la Bastille, ils sont 100 000 selon la police, 800 000 selon le journal L'Humanité. Une chose est sûre, tous les manifestants réclament la mise en place d'un gouvernement populaire. On ne peut pas dissocier le départ du général de Gaulle de Paris de cette manifestation. De ce point de vue, elle est même capitale. Mais que voulait faire le général en ce 29 mai 1968 ? La question est lancinante. Provoquer le vide politique pour mieux revenir ? Abandonner le pouvoir et trouver refuge en Allemagne fédérale ? S'assurer de la loyauté de toutes les forces armées françaises ? Sonder l'attitude de l'URSS via un représentant soviétique en Allemagne ? En effet, Moscou allait-il soutenir les communistes français pour qu'ils prennent le pouvoir en France ? Le général de Gaulle a sûrement envisagé tous ces scénarios. Reste une certitude. La conversation qu'il a eue avec le général Massu a été déterminante. À peine sorti de l'hélicoptère, ils s'isolent tous les deux dans un bureau et entament une discussion. Un serveur arrive avec sur un plateau une omelette, du café, de l'eau et une tranche de viande. Installé dans un fauteuil, le président de la République écoute le général Massu tout en mangeant et buvant du café. Massu tente par tous les moyens de convaincre de Gaulle de rentrer à Paris le plus rapidement possible. Il raconte cette entrevue dans l'émission Les Dossiers de l'écran, 1983. Est-ce qu'il est venu trouver auprès de vous un réconfort d'un vieux camarade de guerre? Ah, ou est-ce qu'il est venu... une interprétation de votre part. Je vous pose la question, moi. Mais moi, il ne me l'a pas dit, vous comprenez. Je constate, je vois arriver le général, et pourquoi est-il là? Et j'en suis le premier surpris. Et je me dis, c'est pas possible qu'il reste là, quoi. Tout de suite, je me dis, c'est pas possible qu'il reste là, qu'est-ce qu'il fait là? Et je lui dis, le front est à Paris, hein, il n'est pas à Baden pour vous. Le vieux lutteur que le général de Gaulle ne peut pas quand même se laisser déborder de cette façon, c'est pas possible. À un moment, j'étais vraiment presque hors de moi. Je lui ai dit tout ce que je pouvais lui dire. Vous avez l'impression que c'est vous qui l'avez renvoyé à Paris? Ah, j'ai aucune... Je ne sais pas si c'est moi. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'au bout d'une heure, il s'est levé et il m'a dit « Bon, ben, je m'en vais ». Convaincu par les paroles du général Massu, le président de la République décide de quitter Baden-Baden. Il est 16h. Au même moment, à Paris, Georges Pompidou est mis au courant par Pierre Messmer, ministre des Armées, de l'escapade du général. Arrivé à Colombey, de Gaulle téléphone au secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot. Il lui explique qu'il avait besoin de se mettre d'accord avec ses arrière-pensées. Jolie phrase, énigmatique, qui renforce le caractère mystérieux de son voyage à Baden-Baden. Mais ce que Bernard Tricot remarque, c'est la détermination dans la voix du général. À Paris, un autre homme politique de gauche, celui-là, fait preuve de détermination, Pierre Madès-France. Notre réponse, en toute hypothèse, conduit toujours à la revendication de la constitution d'un gouvernement de transition, ce que François Mitterrand, dans sa déclaration d'hier, a appelé un gouvernement provisoire. J'avais parlé, il y a déjà un certain temps, de gouvernement de transition, enfin, peu importe le vocabulaire, nous avons constaté que c'était la solution que l'opposition de gauche devait mettre en avant et que c'est une solution applicable à toutes les hypothèses qui pourront se produire au cours des prochains jours. Dans le même temps, Charles de Gaulle prépare lui aussi une déclaration radiophonique prévue pour le lendemain, le 30 mai. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en son absence, plusieurs gaullistes, dont Jacques Foccart et Charles Pasqua, ont organisé une manifestation sur les Champs-Élysées pour le soutenir. De son côté, le Premier ministre, Georges Pompidou, est profondément affecté par l'attitude du général. Dans ses mémoires, publiées à titre posthume, on peut lire « Je m'irritais de l'attitude du président de la République à mon endroit. Je ne savais pas l'objet de son voyage à Baden-Baden, mais je trouvais peu admissible que le chef de l'État non seulement se déplaçât, mais quittât le territoire national sans en informer le Premier ministre. Certes, ce départ avait été une réussite, mais je n'en avais pas moins été traité avec ce qui m'apparaissait à ce moment-là comme une singulière désinvolture. Au terme de la soirée, j'étais décidé à démissionner. Je rédigeais ma lettre et dès le matin du jeudi 30, je fis venir Tricot pour l'en informer et demander à voir le général dès son retour. Le lendemain, le duo à la tête de l'État se retrouve à l'Élysée. Georges Pompidou hésite à donner sa lettre de démission. Charles de Gaulle lui fait lire le discours de son allocution. Les deux hommes parviennent à un compromis. Georges Pompidou accepte de rester à Matignon, mais en échange, il souhaite la dissolution de l'Assemblée nationale. Le général accepte et fait part de cette décision aux Français à la radio, et seulement à la radio. Près de 30 ans après l'appel du 18 juin 1940, c'est un beau coup de com', comme on dirait aujourd'hui. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main en conséquence et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. Si donc cette situation de force se maintient... Au même moment, des milliers de Français se massent place de la Concorde pour manifester leur soutien au général. Certains écoutent son discours le transistor collé aux oreilles, d'autres l'ont entendu chez eux et se sont ralliés au cortège. De l'autre côté de la Seine, au Palais Bourbon, Jacques Chaban-Delmas annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Il se presse ensuite pour traverser la Seine et rejoindre l'immense manifestation qui a pris la direction de l'Arc de Triomphe. Parmi la foule, un journaliste interviewe trois ministres gaullistes qui ironisent. En tête du cortège, donc, un immense drapeau tricolore frappé d'une croix de Lorraine. Derrière, les associations d'anciens combattants, beaucoup de drapeaux tricolores. Et puis derrière ces drapeaux tricolores, à quelques mètres, si vous voulez, de la tête du cortège, des ministres. Parmi ces ministres, messieurs Debray, Malraux et Schumann. Monsieur le ministre, quel est pour vous le sens de cette manifestation ? Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration. Et monsieur Michel Debray qui vient de répondre, monsieur Malraux. Monsieur Malraux. Monsieur Malraux pense comme moi. Merci. Et Maurice Schumann aussi. De Gaulle est seul, vous le voyez. Dans son palais de l'Élysée, le général observe ces centaines de milliers de Français venus le soutenir. On parle même d'un million. Et il entend au loin la Marseillaise. Voilà, le général sait qu'il n'est plus seul. Il comprend que mai 68 est terminé et qu'il peut rester au pouvoir. Un peu moins d'un mois plus tard, le 23 et 30 juin 1968, les Français sont appelés aux urnes. Le général de Gaulle qualifie ce scrutin d'élection de la trouille. Mais pour le camp gaulliste, la peur se transforme vite une nouvelle fois en triomphe. Pour la première fois dans l'histoire, les gaullistes obtiennent la majorité absolue au Parlement. Le 31 décembre 1968, le général de Gaulle présente ses vœux aux Français. Il tourne à sa manière la page de mai 68, prononçant cette phrase écrite d'une belle plume. Portons donc en terre les diables qui nous ont tourmentés pendant d'années qui s'achèvent. Je vous écris du paradis où je trouve que la terre, c'est très joli. Puisque c'est vrai, faut bien que je le dise. Je vais vous mettre mon cœur à nu. Je suis peut-être un soldat inconnu, mais la place était déjà prise. Alors comme j'avais un copain, je crois que c'était un Américain, il m'a fait monter à l'anglaise. Le bon Dieu qui reconnaît pas le dollar, si je les ai eus, c'est un hasard, je leur ai chanté la Marseillaise. Mon général, j'ai souvenance d'une pitié qui venait de la France, paraît qu'il faut plus en parler. Il y en a que ça gêne aux entournures, je me souviens des manucures, je n'ai plus de main, je peux rien prouver. Mais il y a une chose que je peux vous dire, paraît qu'on veut vous faire élire, c'est vrai sans blague, c'est enfantin. Ils savent pas que les vacheries de la gloire, c'est qu'au milieu d'une page d'histoire, il faut savoir passer la main. Je me souviens du petit bistrot de la gare du Nord, de votre photo que je portais comme une relique. Mon général, c'est peut-être idiot, mais je ne sais plus trouver les mots. C'était peut-être quelque chose d'héroïque. Ah oui, c'est ça, ils m'ont emmené, je crois bien que j'avais les poings liés. Au fond, qu'est-ce que ça peut vous faire? Pensez qu'ils voulaient me faire causer, comme j'avais rien à leur donner, ils m'ont mis le cœur en bandoulière. Mon général, j'ai souvenance de mes prisons hors de la France, vous étiez loin, vous ne saviez pas. On se fait à tout, même au tragique, j'ai toujours eu le sens épique, mais pas pour ces sortes de galas. Si d'aventure je viens à Paname, il faudra rien dire à votre dame, je vous sortirai incognito. Je vous emmènerai dans mes domaines, je vous demande pardon de vous faire de la peine, j'aurai pas la gueule d'un héros. Je me souviens du matin clair, il y avait même pas un reporter, j'en ai encore la chair de poule. C'était un hôtel si parfait que les clients, il ne ressortait jamais. Une vraie station, une vraie bourboule. Je me souviens, mais à quoi bon? C'était pour moi ma seule passion. J'aimais les chiens, Dieu me le pardonne. J'en ai vu un qui m'a souri. J'y suis allé, puis j'ai compris. Il l'avait dressé comme un homme. Mon général, j'ai souvenance que vous avez sauvé la France. C'est Jeanne d'Arc qui me l'a dit. C'est une femme qui avait de la technique, malgré sa fin peu catholique. Vous aviez les mêmes soucis. Et puisqu'il faut sur cette terre que chacun passe solitaire, vous avez le droit de rêver. Mon général, pour vos vacances, je vous raconterai l'histoire de France, des fois que vous comprendriez. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, mai 68, de Gaulle disparaît. Notre invité, Frédéric Naudufour. Bonjour. Bonjour. Historienne, spécialiste du général de Gaulle, vous êtes l'auteur de l'ouvrage De Gaulle, l'homme de l'Est, publié cette année aux éditions La Nuée Bleue. Vous êtes également conseillère historique pour une collection de bandes dessinées en trois tomes, intitulée tout simplement De Gaulle, chez Glénat et Fayard. Et vous êtes en direct des locaux de France Bleu à Nancy, que je remercie pour cet accueil. Alors, sur les différences et les dissensions entre le général de Gaulle et son premier ministre Pompidou, d'abord, c'est important, ils n'ont pas la même culture, l'un est normalien, l'autre est militaire. Par ailleurs, Pompidou n'a pas le passé glorieux, à l'inverse de beaucoup de ceux qui entourent le général de Gaulle, de Sanguinetti à Chaban, passant par bien d'autres. Est-ce que c'est... L'attelage a fonctionné d'ailleurs, il a fonctionné, mais face à une crise comme celle de mai 68, il y a eu des dissensions. Est-ce que c'est lié à une différence de culture également? Très certainement, et il faut même envisager le fait que cette différence est ce qui a motivé De Gaulle à prendre Pompidou à ses côtés très tôt, hein, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et très tôt, Pompidou devient véritablement un intime du couple De Gaulle. Ils sont extrêmement proches. De Gaulle reconnaît en lui l'intelligence, le côté lettré, les capacités littéraires, la vivacité, et va donc le choisir pour Premier ministre en avril 1962. Donc c'est vrai que quand éclatent les événements de mai 1968, ça fait déjà 5 années que le Premier ministre est en place. On peut considérer que c'est une période déjà longue où ils ont pu traverser une série d'épreuves ensemble, mais celle de mai 68 va être particulièrement éprouvante pour ce couple. C'est vrai, atypique, mais finalement, peut-être les couples atypiques sont-ils destinés à mieux fonctionner que les couples que l'on attend. Oui, il y a l'affaire Markovic aussi, au cours de laquelle le comportement du général de Gaulle, je crois, profondément marqué Georges Pompidou, mais c'est autre chose. Là, est-ce que pour cette escapade, on va dire ça comme ça, de Baden-Baden, est-ce que Georges Pompidou a vécu ça comme une trahison? Il avait l'air très en colère, hein, vraiment en colère. Oui, il est très en colère parce que de toute évidence, De Gaulle, alors on ne sait pas dans quelle mesure il prémédite très longtemps à l'avance son plan, mais très certainement au matin du 29 mai, le plan est très clair pour lui et pour son gendre Alain de Boissieu. Et d'emblée, le Premier ministre n'est pas mis du tout au courant. Et Pompidou sent bien qu'il se passe quelque chose. Il a l'instinct de l'homme politique. Il connaît bien De Gaulle. Il cherche à lui parler, à le voir à plusieurs reprises dans la journée, dans la matinée du 29 mai à l'Élysée. Et De Gaulle s'arrange pour ne pas le voir, finit in extremis en effet par lui téléphoner avec un appel téléphonique totalement mystérieux, sibyllin, qui inquiète plus Pompidou qu'il ne le rassure. Donc très naturellement, on sent que là, il y a quelque chose qui divise les deux hommes. Surtout qu'à cette époque, on est quand même dans une organisation institutionnelle dans laquelle le président préside et le gouvernement gouverne. Hein, le Premier ministre gouverne, ce qui a eu tendance à s'effacer avec notre époque actuel, où le président fait tout, il se prend à la fois pour le président, pas celui-là comme son prédécesseur et l'autre, hein, se prend à la fois pour le président et le Premier ministre. Là, Georges Pompidou avait un réel pouvoir sur les Français. Donc c'était, est-ce que quelque part, ça gênait le général de Gaulle de voir Pompidou mener finalement sa barque de façon très politique et habile pendant mai 68? Je pense qu'il y a deux choses qui ont gêné le général de Gaulle à ce moment-là. C'est d'une part que lui-même, en tant que général de Gaulle, n'a pas eu réellement une compréhension de ce qui était en train de se passer. Il comprend tardivement. Au début, il minore. Il pense qu'on va pouvoir régler ça facilement. Il n'a pas une compréhension fine de ce qui est en train d'arriver à la jeunesse. Et en même temps, il constate que son premier ministre, qui est d'une autre génération plus proche de celle des étudiants, a lui saisi la mesure des événements et que surtout, il adopte une méthode qui n'est pas celle qu'aurait préconisé De Gaulle, qui est une méthode de la patience, de l'attente, de la négociation, à tel point que quand De Gaulle demande à ce qu'on évacue la Sorbonne manu militari, Pompidou, en accord avec le préfet de police Grimaud, lui dit oui, et il n'en fait rien, et il va traiter la chose extrêmement différemment. Donc la dissension, elle vient des deux côtés. Pompidou prend de la marge par rapport à son président, parce qu'il juge que c'est sans doute la meilleure façon de gérer, et De Gaulle, lui, se sent, pour le coup, un petit peu isolé dans la gestion de cette crise. Frédéric Naud-Dufour, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Cyril, qui chante Les gens, et on essaiera de déterminer l'hypothèse la plus plausible qui répondra à la question, mais enfin, pourquoi est-il allé à Baden-Baden ? Michel, les gens, l'heure de pointe, les gens. général de Gaulle à Baden-Baden, dont nous parlons avec Frédéric Dufour, spécialiste du général de Gaulle. Alors, on arrive aux hypothèses. Je vais vous en donner trois. Vous allez choisir les différentes hypothèses de cette fuite du général. Moi, je préfère dire escapade, mais bon. La fatigue et la lassitude. Le coup de théâtre, genre c'est moi ou le vide et le chaos, hein, par rapport à mai 68. Ou alors, je vais quand même m'assurer de soutien de l'armée au cas où les choses tourneraient mal. Et alors, si je vous répondais que je suis un peu normande et que je vais mélanger ces trois hypothèses pour en faire une seule, c'est bien sûr bien malin. Et qui peut entrer dans la psychologie et l'état d'esprit du général de Gaulle à ce moment-là? On sait que c'est une personnalité complexe, qui a eu affaire déjà à des crises majeures dans l'histoire du pays. Rappelons également que c'est un personnage qui est très en contrôle de lui-même, qui est très corseté par son éducation, et que l'idée que des événements peuvent lui échapper lui est sans doute insupportable. Et là, à partir du 24 mai, réellement, les événements lui échappent. Il a voulu faire de ce discours du 24 mai un miracle, qui est tombé complètement à plat, qui n'a pas fonctionné. Les accords de Grenelle n'ont pas permis de régler la grève. Sa femme se fait agresser dans la rue, donc il ne sait plus quoi faire. Et là, va lui venir sans doute un réflexe venu non pas du fond des âges, mais de 1940, qui consiste à dire prendre du champ, prendre de la distance. C'est ce qu'il écrit aussi dans ses ouvrages, comme Le fil de l'épée. Et donc cette prise de distance, c'est l'occasion à la fois de susciter le désarroi chez les uns, de mobiliser sa base chez les autres, et puis lui, de se remettre face à ce qu'il est et face à la manière dont il peut réagir à ce moment-là. Oui, mais pourquoi le général Massu? Il aurait pu voir d'autres généraux, il n'en manquait pas. Je pense que le général Massu avait deux qualités aux yeux du général de Gaulle. D'abord, c'est un vieux de la vieille. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, c'est un compagnon de la libération, chose très importante, puisque de Gaulle est le fondateur et le grand maître de cet ordre. Et puis, par ailleurs, Massu est peut-être un des rares au sein de l'armée, à avoir osé tenir tête au général de Gaulle. Au moment de la guerre d'Algérie, les deux ont eu des explications plus que franches et viriles. Ils s'en sont pas venus aux mains, mais ils étaient extrêmement opposés, ce qui ne les a pas empêchés de conserver une haute estime réciproque. Et je pense qu'à un moment où de Gaulle ne sait plus trop comment sortir de la crise, se confronter à un Massu qui va lui dire ces quatre vérités, c'est peut-être ce dont il avait besoin. Dernière chose, de Gaulle, avant d'être un président, a été et reste un militaire. Et, oui. Et à ce moment-là, dans cette crise-là, on voit à quel point pour lui, le secours se trouve dans l'armée, non pas pour faire un coup d'État ou envoyer les chars dans la rue, mais parce que d'une certaine façon, c'est sa famille. C'est sa famille, et que d'une certaine façon, il a toujours pu compter sur elle, enfin plus ou moins, au moment crucial de l'histoire, et que s'il l'a pas à ses côtés, ça va être dramatique. Parce que la peur que les communistes prennent le pouvoir, faut le rappeler à nos jeunes générations, les communistes aujourd'hui c'est un peu une relique, mais à l'époque, c'était un parti puissant, c'était le parti le plus puissant de la gauche. De là, imaginer que dans une démocratie comme la France, un parti communiste ait pu prendre le pouvoir, c'était fantasmatique, j'imagine. C'était fantasmatique, mais c'était une crainte partagée par un grand nombre de la population non communiste. Et j'en veux pour preuve que lors de la manifestation du 30 mai de soutien au général, finalement, les slogans favorables à De Gaulle étaient moins nombreux que les slogans appelant à repousser le communisme. Donc il y avait véritablement cette peur qu'on a retrouvée par la suite en 1981 chez les Français. Donc c'était quelque chose de tangible à l'époque, très certainement. Alors, un quatrième point quand même, moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas dissocier le départ du général De Gaulle de Paris pour Baden-Baden de la manifestation de la CGT du 29 mai 1968. Vous partagez cette thèse ? Sans doute que ça a joué son rôle, parce que dans les jours qui ont précédé, on sait qu'il y a eu des manifestations particulièrement virulentes, mais la grosse manifestation de la CGT s'inscrit à un moment du calendrier où De Gaulle ne voit pas la sortie de la crise, et où il a eu, par ses conseillers, certains retours du terrain qui lui montrent que, ça et là, des slogans à l'Élysée ont été prononcés. Donc, on peut imaginer aussi qu'il y a, parmi toutes les hypothèses que vous avez évoquées, celle d'une fuite à Varennes, qu'on pourrait également garder, comme Louis XVI, même si la comparaison doit s'arrêter là. Bah oui. Mais il y a tout ça qui est mêlé, mais qui va permettre à De Gaulle de se ressaisir, parce que sa psychologie, on la repère bien dans cette crise, c'est qu'il a besoin d'aller jusqu'au fond de l'abîme. C'est un homme des abîmes, c'est un homme des sursauts, et il n'y a que depuis le fond de l'abîme que l'on peut remonter. Et là, il sent qu'il est près de l'écroulement et il teste les gens autour de lui. Et il dit par exemple à son ministre de l'Intérieur le 28 mai ou le 27, « Vous savez qu'il m'arrive de penser que je vais m'écrouler ». Donc il est dans ce sentiment, mais c'est en même temps une forme de provocation qu'il lance à autrui pour justement qu'on lui dise le contraire et qu'on sollicite toute la mémoire du gaullisme, tout le sursaut, tout la volonté de combattre, afin de s'en sortir. Et c'est ça aussi qu'il va chercher auprès de Massu et auprès des militaires. Il a dit, on n'a pas fini d'interpréter mon voyage à Baden-Baden. Évidemment, il a raison. Est-ce qu'on sait s'il était satisfait de son coup ou inquiet de ce qu'on allait en dire? Je pense pas qu'il en ait tiré une grande réjouissance. Lorsqu'il revient à Paris quelques jours après, il confie à celui qui est encore son premier ministre, Pompidou, il lui dit pourquoi sommes-nous si désenchantés après une telle victoire. Donc en réalité, il a déjà perçu, parce que c'est un homme qui a cette forte intuition politique, il a déjà perçu que cette victoire était une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire sur l'instant, mais qui, à long terme, allait entraîner sa défaite. Oui. D'ailleurs, c'est très frappant quand vous entendez le discours du 24 mai 68, où il annonce ce référendum sur la participation. C'est finalement là qu'il signe son départ du pouvoir, qu'il va intervenir une année après, mais sur cette thématique-là précisément. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut dire qu'en mai 68, pour employer une formule, mais qui est peut-être juste, De Gaulle perd la main. De Gaulle a perdu la main, il a perdu une partie de la confiance de la jeunesse. Il continue à croire qu'il va pouvoir maintenir ce contrat très, très spécial, très spécifique qu'il a avec les Français. Mais malheureusement, ceux-ci confirmeront en 1969 qu'il n'en est rien. Et il faudra attendre la mort du général de Gaulle pour voir finalement une forme d'unanimité nationale se manifester dans laquelle on vit toujours. Et De Gaulle, là, on peut le dire, finalement, a vaincu sur tous les plans mémoriels, alors qu'il a été défait en 69. En quelques secondes, et pour terminer, votre dernier livre, De Gaulle, l'homme de l'Est, que faut-il voir sous ce titre? De Gaulle aime l'Est parce qu'il est pas né dans cette région, mais qu'il a eu des affinités intellectuelles, littéraires, militaires, puisqu'il a combattu à Verdun. Il a joué un grand rôle dans la libération de l'Alsace. Et par conséquent, il y a une grande affection des populations de l'Est pour le personnage. Et je suis à Nancy, où il y a une association qui s'appelle Demain De Gaulle, qui joue par exemple un très grand rôle pour faire valoir cette histoire. C'est un exemple. Merci infiniment Frédéric Naudufour, docteur agrégé d'histoire, spécialiste du général de Gaulle. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'escapade du général de Gaulle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Florent Bujon et Donatien Cahu qui étaient tous les deux à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, puisque nous sommes vendredi, qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Adrien Mora, attaché de production Rebecca de Nantes, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Aurélien Labruyère et Philippe Pirard, réalisation Marion Lelay et Anne Lioro. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.